Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. L'écologie, c'est un mot simple. Il veut dire que l'homme, comme toutes les espèces vivantes, est inclus dans un milieu qui comprend la nature, les autres espèces vivantes, les autres hommes, et qu'il ne peut pas se permettre de détruire ce milieu sans se détruire lui-même. De la défense des espaces verts à la remise en cause des centrales nucléaires, un nouveau mouvement est né. Il développe ses luttes chaque jour en France. Les pêcheurs corses refusent la pollution des boues rouges, les agriculteurs du Larzac s'opposent à l'extension d'un camp militaire, les Parisiens ne veulent pas de la voie express de la rive gauche. Chaque semaine, 10 associations se créent en France pour défendre le cadre de vie. Les menaces se précisent, elles sont graves et mettent en danger l'existence même des hommes sur la Terre. C'est un seul et même système qui organise l'exploitation des travailleurs et la dégradation des conditions de vie, et qui met en péril la terre entière. La croissance aveugle prônée par les partis ne tient compte ni du bien-être, ni de l'environnement. Les produits conçus pour se détériorer aussitôt après l'achat, les ordures qui s'accumulent, les fabrications d'armes, le recours à des technologies toujours plus lourdes et plus dangereuses, notre société s'emballe sans autre objet que de se reproduire. While you see it your way, run the risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out, we can work it out. Think of what you're saying, you can get it wrong and still you think that it's alright. Think of what I'm saying, we can work it out and get it straight or say goodnight. We can work it out, we can work it out. Bonjour Fabienne Brugère. Bonjour Adèle. Bienvenue sur les chemins de la philosophie et bonjour à vous Jean Jouzel. Bonjour Adèle Van Aert. Merci à vous deux d'être présents ce matin. We can work it out, c'est les Beatles qui le chantent. Peut-on trouver un compromis? C'est le sujet de l'émission. Est-ce que démocratie d'un côté et écologie de l'autre sont toujours compatibles? La question est rhétorique, c'est donc bien qu'il y a des problèmes, on va les déplier ensemble. D'abord, avez-vous reconnu ou savez-vous qui est l'auteur du texte que je viens de lire? Non. Non. Si je vous dis René Dumont. Est-ce que vous vous souvenez de René Dumont? Oui, René Dumont, candidat à la présidence de la République. En 1974, le premier candidat écologique, il reçoit à l'époque 1,32%. Voilà. Et à l'époque, il reçoit 1,32% des suffrages. Ce qui est fascinant, c'est que là, c'était en 1974. Aujourd'hui, les discours sont à peu près identiques. Les suffrages sont guère supérieurs. Et donc, c'est un bon point de départ si on interroge la compatibilité entre la démocratie et l'écologie. Pourquoi, malgré l'urgence écologique que personne ne peut nier aujourd'hui, cette urgence-là ne s'exprime pas, ce souci-là ne s'exprime pas dans les urnes et finalement, les candidats écologistes ne sont guère plus populaires qu'à l'époque, ce fameux René Dumont qui dit exactement la même chose. On a quand même une vision franco-française dans ce constat, parce que si vous allez en Allemagne, c'est un peu le contraire. Les écologistes sont, je crois, le deuxième parti actuellement, au moins dans certains Landes. Donc c'est vrai aussi dans d'autres pays, les Pays-Bas. Donc on peut aussi se poser des questions sur la difficulté que nous avons collectivement à nous organiser pour faire de la place à l'écologie politique. On voit bien que, oui, ce n'est pas très, très, très efficace actuellement. On verra. Peut-être que les Européennes révéleront un élan vers l'écologie. Ce n'est pas sûr encore, mais ce serait souhaitable, évidemment. Jean Jouzel, vous êtes climatologue. Vous revendiquez cette appellation ou pas? Oui, bien sûr. Bon. Oui. Directeur de recherche émérite au CEA, au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Membre de l'Académie des sciences. Vous avez été vice-président du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts. De son groupe scientifique. Oui. Du groupe scientifique, vous faites bien de préciser. Donc le groupe intergouvernemental d'experts sur le changement climatique, c'était de 2002 à 2015. Fabienne Brugère, vous, que pensez-vous de ce constat d'une espèce de stagnation politique depuis, en tout cas, René Dumont jusqu'à nos jours, malgré l'accroissement de la prise de conscience de l'urgence écologique? En fait, je passerai de René Dumont à Louis Dumont pour expliquer un certain nombre de choses. Et je pense en particulier aux essais sur l'individualisme de Louis Dumont qui explique la structuration de nos sociétés politiques à partir de la référence à l'individu, voire à l'individualisme, ce qui naît d'ailleurs au moment de la formation de la modernité avec les théories du contrat. Je crois que c'est fondamentalement notre individualisme et notre croyance en la possibilité à déterminer nous-mêmes les sociétés politiques indépendamment de la nature, qui fait que nous avons du mal à passer précisément à une écologie politique, à considérer l'urgence écologique, parce que nous continuons de faire comme si les sociétés politiques n'étaient que des affaires artificielles qui consisteraient à poser les rapports de gouvernement entre les hommes. Or, bien évidemment, l'écologie suppose de faire rentrer la question de la nature et la question des rapports entre les hommes et la nature, ce qui redétermine d'ailleurs les rapports entre les hommes eux-mêmes. Alors Fabienne Brugère, vous êtes philosophe, hein, vous enseignez la philosophie à l'Université Paris 8, vous avez travaillé sur l'éthique du care notamment, votre dernier essai s'appelle « La fin de l'hospitalité, l'Europe terre d'asile », on y viendra sans doute parce que c'est un lien direct avec l'écologie. Commençons par le commencement, si l'on interroge les liens entre démocratie et écologie, c'est qu'il y a un problème qui est présupposé. En quoi est-ce que le régime démocratique ne permettrait-il pas de répondre aux urgences écologiques? Comment faut-il définir la démocratie pour pouvoir identifier les symptômes qui montrent bien qu'elle n'est pas à même de relever ce défi? Fabienne Brugère. Je crois que la démocratie, c'est plusieurs choses. C'est la première considération à apporter au regard de tout le monde quand on est philosophe. D'une part, la démocratie, c'est bien sûr une forme institutionnelle, et c'est une forme institutionnelle qui repose sur la représentation politique, mais une représentation politique qui permette de donner une consistance à l'égalité des conditions. Et on pourrait citer là-dessus, bien évidemment, les travaux de Bernard Manin sur les principes du gouvernement représentatif, bien sûr on pourrait citer Tocqueville, et donc en ce sens-là, la démocratie, elle est du côté d'une représentation. Mais il y a d'autres définitions de la démocratie, deux autres définitions de la démocratie. D'une part, la démocratie comme forme sociale, comme pouvoir du social. Et là, sans doute, interviennent déjà davantage les questions écologiques, parce que dans cette définition-là, la démocratie peut être comprise du côté d'une autogestion, de la possibilité d'un pouvoir du social qui s'organise, et elle peut être comprise aussi du côté de la contestation sociale, de procédures de surveillance des gouvernants. Et donc là, on a toute une lecture de la société. Du point de vue des citoyens et non pas de ses représentants. Voilà, du point de vue des citoyens. Et la démocratie, c'est bien ce qui aussi aménage une place des citoyens. Puis enfin, il y a un troisième sens de la démocratie qui est celui, je dirais, de l'expérience. La démocratie comme expérience. La démocratie comme expérience, il y a plusieurs textes qui sont importants de ce point de vue-là. Il y a les textes de John Dewey sur le public et ses problèmes, qui pose la figure précisément d'un citoyen, on pourrait dire, compétent, capacitaire, capable précisément de créer. Et justement, qui oppose cette figure du public aux simples figures de la masse ou du peuple, dans lesquelles on essaie toujours de fabriquer une unité. Il y a aussi les textes de Rancière qui posent précisément la démocratie comme étant toujours l'expérience du désordre contre l'ordre, du dissensus contre le consensus. Donc Jacques Rancière, philosophe contemporain, voilà, exactement, écrit sur la haine de la démocratie. Tout à fait. Donc la question, c'est de savoir, quand on essaie de confronter cette question de la démocratie à l'urgence écologique, et quand on dit que les deux sont difficiles à concilier, de quelle démocratie parle-t-on? Je crois qu'effectivement, la démocratie représentative a vraiment un gros problème face à l'urgence écologique, parce que précisément elle est largement liée aujourd'hui à la question des élections, donc du court terme et du perpétuel renouvellement de nos élus. Oui, parce que du point de vue de l'urgence écologique, Jean-Jouzel, la démocratie, c'est d'abord la lenteur. Oui, c'est bien ça le problème entre... Donc, quand on parle d'urgence, on va en parler aujourd'hui certainement, d'urgence de lutter contre le réchauffement climatique et d'assurer cette transition à la fois énergétique, mais plus largement une transition écologique, puisqu'il y a aussi d'autres problèmes qui sont liés, comme la perte de biodiversité, les problèmes de santé et d'environnement, eh bien c'est l'urgence. Et comment peut-on traiter l'urgence? Il faut peut-être revenir en arrière, parce que l'urgence, elle est aussi parce que je crois qu'on oublie d'écouter la communauté scientifique. Disons que le message que nous avions il y a une trentaine d'années eh bien, était très clair, très clair. Et nous savions il y a 30 ans que si nous continuions à émettre des gaz à effet de serre, nous irions dans la deuxième partie de ce siècle vers des réchauffements importants, des élévations du niveau de la mer importantes, des conséquences importantes du réchauffement climatique. Et en fait, nous sommes, disons vraiment, sur la trajectoire d'évolution du climat que nous envisagions il y a une trentaine d'années. Un réchauffement de 1 à 2 dixièmes de degré par décennie sur lequel se superpose un dérèglement, disons, qu'on peut associer à une intensification des événements extrêmes, avec des conséquences d'ailleurs de plus en plus importantes. Donc c'est réchauffement et dérèglement sont les deux. Il y a réchauffement, la tendance c'est bien le réchauffement sur lequel se superpose une intensification des événements extrêmes qui donne cette notion, je crois, donne naissance à cette notion de dérèglement. Donc pourquoi l'urgence n'en tient-on? Ben, cette urgence, elle est là aussi parce qu'on ne sait pas dans une, mais est-ce que c'est vrai? Je ne surtout pas pour le moment accuser la démocratie de ne pas le faire. Je ne sais pas quel système est capable de le prendre en compte réellement. Mais, on ne sait pas non plus écouter la communauté scientifique et effectivement, ces problèmes à l'échelle, disons, un peu à plus long terme, sont toujours masqués par des problèmes à court terme. Vous avez absolument raison. Des choses ont été faites, y compris d'un point de vue, démocratique, si on entend par là, égale participation, même à l'échelle planétaire. La mise en place des conférences des partis, voilà, mieux connues sous plus... le nom de COP. Voilà. La COP, alors ça commence en 72, puis on se met en... La COP 1, c'est en 1995. Après, chaque année, certaines sont plus célèbres de d'autres. Et pourtant, les avancées sont très, très, très lentes. Oui, mais au moins c'est un processus démocratique. Alors peut-être. Alors peut-être, voilà. C'est ça, la donc question. Justement, non, c'est vrai peut-être. Un peu d'histoire, pas très longue, mais c'est vrai que la communauté scientifique se mobilise en particulier à travers la création du GIEC, ce groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat en 1988. 1990, c'est le premier rapport, et je vous ai déjà cité quelques chiffres qui étaient dans ce premier rapport, des réchauffements prévisibles de 3 degrés au milieu du 21e siècle, des élévations du niveau de la mer entre 60 et 1 mètre à la fin du 21e siècle. Tout ça, c'est dans le premier rapport, suffisamment alarmiste, dirons suffisamment clair, pour qu'en 1992, lors du sommet de la Terre de Rio, eh bien, des décisions soient prises. Cette convention climat, une convention de bon sens qui dit que des mesures doivent être prises pour limiter l'augmentation des gaz à effet de serre qui sont déjà, on le sait, à l'origine de ce réchauffement. Et bien sûr, comme vous l'avez dit, la première conférence climat, c'est Berlin en 1995 et il y a trois conférences emblématiques, celle de Kyoto en 1997, donc le protocole de Kyoto. Dont l'objectif est la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et dont l'échec ou le semi-échec, on peut y revenir, est quand même lié à la non-ratification. On est au moment en 2000, George Bush, et c'est une question de démocratie. On ne sait toujours pas si c'est Al Gore qui n'aurait pas dû être élu à l'époque. La situation serait différente aujourd'hui. Mais en partie, l'échec du protocole de Kyoto, c'est quand même le non-engagement des États-Unis. C'est aussi le fait que personne n'avait anticipé, la montée très rapide des émissions en Chine, par exemple, dans les pays en voie de développement. Et puis 2009... Des émissions de gaz à effet de serre. Gaz à effet de serre. C'est à la radio, donc ici, émission est à double sens. Des émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire le dioxyde de carbone, ce qui est, l'augmentation de l'effet de serre, elle est largement liée à... Ce qui est la cause principale du réchauffement climatique. Oui, bien sûr, c'est très clairement démontré. L'essentiel du réchauffement climatique des 50 dernières années est lié à nos activités à travers l'augmentation de l'effet de serre, en partie contrecarré par la pollution, mais l'augmentation de l'effet de serre, en fait, augmente le chauffage. Et quand on augmente le chauffage, eh bien, on doit naturellement s'attendre à une élévation de la température, c'est ce qu'on observe. Une fonte des glaces, c'est ce qu'on observe. Une élévation du niveau de la mer, c'est ce qu'on observe. Donc, on arrive... c'est un semi-échec Kyoto, puis Copenhague, c'est un échec complet. Là aussi, même si c'est très démocratique, il n'y a pas de véritable décision prise. Je pense qu'on peut qualifier la troisième conférence emblématique, celle de Paris, en 2015, de succès. Et le succès, il est justement lié à la démocratie, à l'universalité de l'accord de Paris. C'est-à-dire que tous les pays, à l'époque, l'ont signé, beaucoup l'ont ratifié, tous les pays l'ont signé, sauf le Venezuela et la Syrie, qui ont signé depuis, d'ailleurs. Mais malheureusement, cette universalité, on va y arriver, Donald Trump, de nouveau les États-Unis, l'ont mise à mal, et peut-être Bolsonaro dans quelques semaines. Donald Trump, puisque vous en parlez, le voici. En effet, il y a un avant et après Donald Trump dans l'effort international de concertation autour de l'urgence climatique. Le voici. In order to fulfill my solemn duty to protect America and its citizens. Pour que je puisse remplir mon devoir solennel de protéger l'Amérique et ses concitoyens, les États-Unis vont se retirer de l'accord de Paris sur le climat. As president, I can put no other consideration before the well-being of American citizens. En tant que président, je ne peux placer aucune autre considération avant celle du bien-être des citoyens américains. L'accord de Paris sur le climat est tout simplement le dernier exemple d'un accord signé par Washington qui désavantage les États-Unis, et ce, au profit d'autres pays. L'argument employé par Donald Trump ici le 1er juin 2017, lorsqu'il annonce le retrait des États-Unis de l'accord de Paris dont nous parlions à l'instant, est, pourrait-on dire, le patriotisme. Il dit à ses électeurs qu'il ne va pas sacrifier son pays au nom des autres pays, c'est-à-dire en clair, il ne va pas faire passer le futur, l'avenir de la planète avant son pays. C'est un argument qui fonctionne d'autant mieux que c'est sur ces raisons-là, ces motifs-là, que Trump a été élu. Est-ce une autre preuve, un autre symptôme du dysfonctionnement de la démocratie par rapport à l'urgence écologique, à savoir que nous autres citoyens, qui sommes les premières victimes du réchauffement climatique, ne sommes pas en mesure de prendre en compte, au moment de voter, d'autres urgences que l'urgence écologique. Que dira cela Fabienne Brugère ? Parce que c'est vrai, quelqu'un qui n'a pas assez à manger, qui ne gagne pas assez d'argent ou qui a des conditions de vie déplorables, va d'abord penser à son propre bien-être avant de penser à celui de la planète. On peut répondre deux choses. C'est que d'abord, de toute façon, penser à son propre bien-être, ça inclut les conditions climatiques. Parce que, bien évidemment, si une catastrophe arrive, un glissement de terrain lié à trop d'eau avec une terre qui est trop sèche, forcément, ça va nuire au bien-être des populations et en première ligne aux populations les plus pauvres. Ça, c'est vraiment le premier argument que l'on peut donner. L'écologie a à voir, bien évidemment, et l'urgence écologique a à voir avec notre bien-être. Mais c'est un problème de représentation, parce qu'en fait, quelqu'un qui manque d'argent à la fin du mois, rien n'est plus urgent que d'avoir plus d'argent, d'être davantage pris en compte par les politiques, alors que ce que vous dites sur un glissement de terrain, ça demande un effort d'imagination qui est secondaire par rapport à celui bien réel de... Bien sûr que c'est une question de représentation. Et donc ça suppose d'une certaine manière des gouvernants qui soient justement capables de figurer l'urgence écologique et qui soient capables de mettre au point des mesures qui montrent bien combien l'écologie participe de notre bien-être. Mais il y a une deuxième chose qui me semble essentielle et que l'on peut en quelque sorte répliquer face au discours de Trump, ça met en jeu toute une conception du monde. Est-ce que chaque nation doit affirmer sa souveraineté avec toute la possibilité d'un choc des souverainetés qui, d'une certaine manière, ne pourra justement que pâtir aux différentes populations, puisque précisément il y a de moins en moins de coopération entre les nations, ou est-ce qu'au contraire, il ne vaudrait pas mieux reconnaître notre fondamentale interdépendance, à savoir que les nations sont interdépendantes les unes des autres, et après tout, c'est quelque chose que l'on sait depuis longtemps, que l'on sait depuis le projet de paix perpétuelle de Kant, lorsqu'il explique précisément que le cosmopolitisme, c'est le fait que nous appartenons tous à la même terre. Et donc, d'une certaine manière, nous sommes tous liés. Et c'est fondamentalement une erreur de dire « je peux vous défendre contre tous les autres, je peux vous protéger contre tous les autres » parce que évidemment, l'Amérique, même si c'est encore la première puissance du monde, eh bien, elle est interdépendante. Et on le voit bien avec ce qui se passe d'ailleurs aujourd'hui à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, avec justement ces migrants sud-américains qui veulent à tout prix rentrer aux États-Unis. Si on a un flot de personnes énormes, comment on fait ? Mais personne ne doute que ce que dit Trump soit une erreur, même d'un point de vue climatique. Le problème est qu'il le dit parce qu'il sait que c'est ce que ses électeurs attendent de lui. Et là, on en vient au fonctionnement démocratique. Oui, effectivement. Bon, je pense d'abord que sur l'urgence, ça a été clairement marqué par une déclaration récente d'un des Gilets Verts. Vous nous parlez de la fin de la planète, moi Gilets je vous Verts. Parle des fins. Les gilets jaunes. Ah, c'est un lapsus magnifique. C'est la couleur de votre micro, c'est aussi la couleur des écologistes. Des gilets jaunes. Pardonnez-moi, donc que disait ce gilet jaune? Eh bien, disons, vous parlez de la fin de la planète, ça c'est les gilets verts, mais nous, nous parlons de la fin du mois, effectivement. C'est ça. Donc, oui, ce problème de démocratie, je crois effectivement que, d'un côté, Donald Trump peut se dire « je suis démocrate puisque je suis élu et je vais peut-être être réélu en affirmant la primauté des États-Unis ». Et je flatte mon peuple. Mais quand on regarde, je crois que le plus symbolique qu'on puisse avoir, effectivement, c'est le prix Nobel de la paix qui a été décerné au GIEC en 2007. Il a un double sens. Conjointement avec Al Gore, d'ailleurs. Conjointement avec Al Gore, à l'époque, effectivement. Et candidat pour les présidences américaines. Voilà, donc on revient toujours à, disons, les Américains sont très présents. Et disons qu'il a un double sens. En ce sens que, et c'est redit dans le dernier rapport du GIEC qui parle de l'urgence, on ne peut réussir à lutter contre le réchauffement climatique que si tous les pays, tous les secteurs d'activité, tous les citoyens le prennent au sérieux. On en est là actuellement. On voit bien qu'on en est loin. Mais enfin, on voit bien que c'est une condition. Alors, disons que le premier sens de ce prix Nobel décerné au GIEC, c'est que si on veut réussir, il faut se serrer les coudes au niveau des secteurs d'activité, des États. Et donc, c'est cette idée que, effectivement, prendre la mesure du réchauffement climatique, c'est à long terme un symbole de paix. Et donc, quand même, de maintien de la démocratie. C'est très clair pour moi. À l'inverse, si on n'y arrive pas, et je peux reprendre l'expression d'un des récents livres de Valérie Larmée de Tannenberg, la démocratie ne résistera pas à un monde à 4 degrés. Qu'est-ce que ça veut dire, la démocratie ne résistera pas? C'est que la catastrophe écologique prévisible, prévue en tout cas, va engendrer une forme de dictature? Le seul moyen de venir en aide efficacement d'un point de vue écologique, ce serait de mettre en place, de consulter le peuple. En tout cas, si on n'y arrive pas, il y aura des conséquences telles sur la vie de chacun, sur l'accroissement des inégalités, qui est la première vraiment conséquence du réchauffement climatique. Disons, quand on regarde non pas les impacts du réchauffement un par un, mais dans leur ensemble, c'est vraiment le risque. Si on n'y arrive pas, il y a un risque. Je parle souvent de difficulté d'un développement harmonieux de nos civilisations. Alors, il y a les collapsologues. C'est gentil, oui. Parce que les collapsologues nous disent, c'est l'effondrement. Beaucoup de gens parlent d'un effondrement actuellement de nos civilisations. Je suis plus, peut-être moins dur, mais clairement, le réchauffement climatique, c'est aussi l'accroissement des inégalités. En gros, c'est la diminution des endroits où il fait bon vivre. Et cette diminution des endroits où il fait bon vivre, je crains que ce soit les couches aisées de la population qui réussissent à aller y vivre, tandis que les couches les plus pauvres n'y auront pas accès. Donc on voit bien que, et c'est un peu le titre de notre livre avec Pierre Laroutourou, on parle de chaos climatique, on va aussi parler de chaos financier, mais à un moment, si on n'y fait pas attention, la démocratie sera mise à mal à cause du réchauffement climatique et globalement à cause, il y a d'autres problèmes écologiques, je le redis, qui sont tout aussi importants. Mais donc, voilà, un peu dans ce sens-là, c'est important aussi. C'est ça, dans l'autre sens, c'est-à-dire non pas est-ce que la démocratie est à la hauteur de l'urgence écologique, mais est-ce que la catastrophe écologique ne va pas nuire à la démocratie, Fabienne Brugère? C'est vrai que la question se pose aussi dans ce sens-là. Bien sûr, parce qu'une catastrophe écologique, d'une certaine manière, ça détruit tout. Donc ça détruit nos institutions, ça détruit nos pratiques, ça renforce effectivement les inégalités entre les riches et les pauvres, ça crée des déplacements de population vers les seules zones qui restent vivables. Et on sait de ce point de vue-là qu'il y a de nombreux films qui ont bien montré l'après de ces catastrophes. L'après de ces catastrophes, ça suppose justement toute une reconstruction d'un régime politique. Et seulement le problème de nos démocraties, si elles ont bien un problème principal, c'est qu'en même temps, elles n'arrivent plus à penser le futur. Elles n'arrivent plus à penser des grandes orientations du futur. Et donc, il faudrait en même temps pouvoir redéfinir la démocratie, la redéfinir sans doute avec l'écologie, et justement la possibilité de poser des grandes orientations du futur, qui seraient des orientations qui, d'une certaine manière, seraient plus ou moins indépendante des élections telles qu'elles vont régulièrement. Vous dites qu'elles n'y arrivent plus, elles y arrivaient avant ? Ben, je pense qu'il y a quand même de plus en plus de court-termisme. Il y a de plus en plus de court-termisme à cause des réseaux sociaux, à cause de la révolution numérique, à cause d'évolutions techniques qui font que l'on croit de plus en plus que l'on peut tout avoir tout de suite et que tout est dans le présent. Et que le présent, d'une certaine manière, a perdu un peu de son mystère et un peu de sa valeur. Après tout, on pourrait repenser à des textes anciens comme ceux d'Aristote, aussi bien, par exemple, dans l'éthique à Nicomaque ou dans l'éthique à Eudème, comme précisément Aristote dit, il y a quelque chose dans le réel qui concerne des propositions singulières qui portent sur le futur. Le futur, c'est quelque chose de spécifique. C'est quelque chose de spécifique qui suppose en même temps des formes de pensée, mais dans lequel il y a toujours une sorte d'indétermination. Or, je crois que nous avons du mal avec cette association du futur, de l'indétermination. Et puis, par ailleurs, nous ne savons pas faire confiance dans ce que nous pourrions imaginer du futur aux scientifiques également. Nous ne savons pas écouter les scientifiques. Nous mélangeons scientifiques et experts. Scientifiques, experts, j'entends par là... technocrates. Ce qu'ils peuvent être également. Un scientifique peut être un expert, et expert n'est pas forcément péjoratif. Oui, mais en fait, on a tellement transformé la figure de l'expert Jean-Joseph, manière... vous êtes scientifique ou expert ? Oui, moi je me considère comme scientifique, mais j'aime bien apporter un regard sur des points précis. Et donc, dans ces cas-là, on peut appeler ça de l'expertise. Je pense que le groupe d'experts, justement, du GIEC, il y a le mot expert dans ce groupe, et je peux revendiquer les deux, je crois qu'on Alors, peut faire les deux. On va consulter un expert philosophique cette fois-ci. Il s'agit de Hans Jonas, qui est l'auteur du principe responsabilité, qui en 1979... remet en question la distinction entre l'État d'un côté et la nature de l'autre. Car c'est vrai, nous raisonnons comme s'il y avait d'un côté les hommes qui vivaient en démocratie, de l'autre la nature sauvage, débridée, qui vivrait ses propres déferlements et sur lequel l'homme, le méchant homme, viendrait forcément intervenir. Si on abolissait cette frontière entre l'État et la nature, qu'est-ce qui adviendrait et est-ce que cela finalement ne viendrait pas renforcer un sentiment de responsabilité qui, selon le philosophe, est indispensable à tout engagement écologique ? Écoutez-le. La frontière entre État et nature a été abolie. La cité des hommes, jadis une enclave à l'intérieur du monde non humain, se répand sur la totalité de la nature terrestre et usurpe sa place. La différence de l'artificiel et du naturel a disparu. Le naturel a été englouti par la sphère de l'artificiel. Et en même temps, l'artefact total, les œuvres de l'homme devenu monde, en agissant sur lui-même et par lui-même, engendre une nouvelle espèce de nature, c'est-à-dire une nécessité dynamique propre à laquelle la liberté humaine se trouve confrontée en un sens entièrement nouveau. Des questions qui jamais auparavant ne faisaient l'objet de la législation entrent dans le cadre des lois que la cité globale doit se donner pour qu'existe un monde pour les générations humaines futures. Qu'un tel monde doive exister à jamais dans l'avenir, un monde approprié à l'habitation humaine, et que toujours à l'avenir, ils doivent être habités par une humanité digne de ce nom, on le concédera volontiers comme un axiome universel ou comme un but souhaitable, très plausible, de l'imagination spéculative. Mais en tant que proposition morale, à savoir en tant qu'obligation pratique à l'égard de la postérité appartenant à un avenir lointain et en tant que principe de décision pour l'action présente, la proposition est très différente des impératifs de l'éthique de la simultanéité d'autrefois. Et il n'est apparu sur la scène morale qu'avec nos nouveaux pouvoirs et avec la portée nouvelle de notre savoir prévisionnel. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. La démocratie est-elle à la hauteur de l'urgence écologique ? Démocratie et écologie sont-elles compatibles ? C'est la question que je pose aujourd'hui à mes deux invités, la philosophe Fabienne Brugère et le climatologue Jean Jouzel, à l'occasion de cette série d'émissions sur l'écologie. Nous venons d'entendre le comédien Jacques Gamblin interpréter ce texte d'Hans Jonas, qui met au cœur de sa réflexion la notion de responsabilité. de manière très précise, hein, Jean Jouzel, parce qu'il dit bien, mais c'est la seule façon d'interroger l'application de loi, la dimension, la réflexion doit être légale, voire juridique, mais elle ne peut pas faire l'économie de la responsabilité, qui est quand même un concept moral. Est-ce que c'est de cette manière-là qu'il faut essayer en écoutant Jacques Camblin, et surtout en Jonas, évidemment, on ne peut pas ne pas penser au fait, enfin, à l'anthropocène, que, disons, qui n'était pas défini par Antionas, qui a été défini une dizaine d'années après par Paul Crutzen et d'autres plutôt, mais voilà, donc effectivement, cette notion d'anthropocène, nous sommes vraiment dans. C'est-à-dire l'abolition de la distinction nature-culture. Voilà, c'est quand même théorisé un peu notamment ça, par Philippe Descola, entre autres. Bon, voilà, donc ça s'est vraiment développé plutôt sur les 20 dernières années, cette notion, mais Antionas, disons, ce texte est prémonitoire de cette notion-là, c'est ce que je veux dire. Donc, voilà, oui, effectivement, nous sommes, je dirais, alors peut-être pas malheureusement, mais nous sommes clairement à l'origine de beaucoup des modifications du monde qui nous entoure. Beaucoup de gens ne le pensent pas, beaucoup de gens ne pensaient pas qu'on puisse, à travers nos activités de chaque jour, influencer presque le monde dans son ensemble, que ce soit pour ce dont on parle aujourd'hui, le réchauffement climatique, mais la pollution également. Voilà, et nous en sommes là. Et donc, ça a été vraiment très rapide. Nous en sommes quand même responsables, oui, peut-être pas coupables, mais en tout cas responsables. Et puis, cette responsabilité, elle est aussi... je pense que chacun doit prendre sa responsabilité. La responsabilité du scientifique, c'est effectivement, je le crois, et bon, je suis président du mouvement universel de responsabilité scientifique, je pense que nous devons dire ces choses-là, et je crois que nous sommes ici pour les dire aujourd'hui, mais vraiment, cette responsabilité, si nous n'y faisons pas attention, eh bien, nous emmène quand même vers, peut-être un peu dans le mur pour certaines choses, mais nous emmène vers un monde auquel... les jeunes d'aujourd'hui, je ne parle même plus de nation future, auront beaucoup de mal à s'adapter si nous ne prenons pas les choses au sérieux en termes de lutte contre le réchauffement climatique. Bien que les jeunes d'aujourd'hui sont sans doute davantage sensibilisés à cette cause-là que je ne l'étais à leur âge et même encore plus les générations d'avant. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de sensibilisation, mais on voit bien que c'est un simple constat, ce sont aussi les jeunes d'aujourd'hui qui prennent aussi beaucoup l'avion et qui à la fois font des choses extrêmement volontaristes et extrêmement sérieuses, mais ce sont aussi eux qui, et on les comprend, qui aiment voyager. C'est un peu ça le dilemme. Et voilà, donc, bien sûr, il ne faut surtout pas... disons, mettre en avant une génération, mais c'est les jeunes d'aujourd'hui qui vont quand même faire ce monde de demain, ils sont là, mais aussi subir les conséquences. Nous en sommes aussi responsables. Sur la notion de responsabilité précisément, Fabienne Brugère, comment fait-on pour faire prendre conscience à un individu et un citoyen, puisque Jean Jouzel, vous parliez de votre responsabilité en tant que scientifique, mais c'est une responsabilité, nous dit Hans Jonas, qui nous concerne tous et chacun en tant qu'individu. Comment faire en sorte que nous prenions conscience de cette responsabilité que nous avons de penser, dit-il, une cité universelle comme seconde nature, c'est-à-dire de ne plus considérer comme étant extérieure à la nature la vie humaine qui vient habiter la planète, mais de nous considérer comme prenant part à un monde que nous constituons et qui nous constitue tout autant. Tout d'abord parce que, effectivement, l'homme est lui-même devenu monde et qu'à ce titre, il a développé des réseaux de dépendance, d'interdépendance, de fabrication du monde. Et lorsque l'on fabrique le monde, et c'est vrai que nous le fabriquons de plus en plus, eh bien, ça suppose précisément de s'en montrer responsable. Alors, comment ensuite penser cette responsabilité à l'échelle citoyenne, à l'échelle des citoyens? Je crois que ça consiste parfois dans des petites choses, dans la possibilité de faire comprendre aux citoyens que, par exemple, trier ses ordures, c'est justement participer de ce monde auquel nous appartenons, que privilégier les déplacements doux, c'est aussi participer de la construction de ce monde. Je crois que ça suppose finalement de passer par des actions extrêmement petites, extrêmement concrètes, de les faire accepter et finalement de faire qu'elles circulent dans un ensemble de pratiques. Et là-dessus, nous avons besoin de la démocratie pour donner du sens aux pratiques écologiques elles-mêmes. C'est la démocratie qui donne du sens aux pratiques écologiques ? C'est la démocratie qui peut permettre de donner du sens à ces pratiques écologiques dans la mesure où la démocratie permet du dialogue, de la délibération. Autre chose, finalement, que l'imposition de pratiques autoritaires. Oui, mais la démocratie conduit à Donald Trump, qui se retire des accords de Paris. La démocratie ne conduit pas à Donald Trump, parce que je pense que la démocratie, ce n'est pas uniquement la démocratie représentative. La démocratie, c'est aussi la démocratie sociale, donc c'est aussi le pouvoir du social. Et on voit bien, par exemple, dans un pays comme l'Allemagne, on voit bien le pouvoir, on pourrait dire, des citoyens verts qui arrivent précisément à imposer des choses. On voit bien... comment dans un endroit, dans un quartier comme celui de Tempelhof à Berlin, comment précisément, par exemple, des appartements de luxe ont été refusés au nom précisément d'idées écologiques et de construction justement plus écologique. Donc la démocratie, c'est pas seulement l'élection. Et en ce sens-là, c'est les associations. Voilà, c'est pas seulement court terme. Parce que à travers des associations, à travers aussi des organisations non gouvernementales et environnementales, se constitue un savoir, se constitue la possibilité d'une continuité, d'un long terme. Alors sur la forme, certes, dans les faits, Jean Jouzel, comment mesurer l'efficacité d'une action individuelle, une action citoyenne, faire le tri, disait Fabienne Drugère. Non, très bien. Mais est-ce que c'est ça qui diminue le réchauffement climatique? Alors on va revenir à des exemples concrets. En France, quand on regarde la façon dont on se déplace, nous nous déplaçons, la façon dont nous nous comportons, disons, chez nous, en gros, tout le problème de chauffage, d'utilisation électrique, électroménager, et la façon dont on s'alimente, en gros, ça représente largement plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre. Donc ce sont quand même des postes sur lesquels nous pouvons, par des décisions de chaque jour, disons, agir. Donc oui, l'action peut au moins porter l'action individuelle, l'action, les petits gestes, on dirait, peut effectivement, disons, porter sur une bonne moitié des émissions de gaz à effet de serre. Donc, il ne faut surtout pas dire qu'on ne peut rien faire, mais évidemment, c'est un ensemble. Vous ne pouvez prendre les transports en commun que si ces transports en commun existent. Et les décisions, là, sont plutôt au niveau des collectivités, des régions, des métropoles. Il faut aussi que les entreprises s'impliquent. Donc, c'est chacun. Et pour revenir au débat qu'on a, je crois, le rôle très, très important de l'éducation par rapport... bien sûr, les ONG ont un rôle extrêmement important, mais l'éducation à tous les niveaux... Et ce n'est pas forcément une force dans tous les niveaux en France, en tout cas dans le niveau supérieur, ce n'est pas le cas, de parler, de sensibiliser par rapport, en gros, à notre avenir, à notre long terme. C'est bien cela qui nous manque. Globalement, c'est aussi l'éducation qui est au cœur, disons, de notre lutte pour l'écologie. Il faut vraiment... Mais alors, ce qui est surprenant, c'est que... Je pense que tout le monde sera d'accord avec ça, l'importance de l'éducation, l'importance du dialogue citoyen, l'importance de trier ses déchets, pourquoi pas. Le fait est que l'urgence est là et que les émissions augmentent. Voilà. Que lorsque les scientifiques lancent l'appel des 15 000, c'était il y a à peu près un an, on en parle pendant deux jours, puis on n'en parle plus ensuite. La prise de conscience, peut-être elle tarde à arriver, mais le problème est toujours le même et le réchauffement augmente. Donc les émissions augmentent. Les émissions augmentent. En fait, on se trouve quand même de nouveau impuissant. Ben, je crois qu'il y a un cercle vicieux parce que il y a deux conceptions de l'écologie politique. Effectivement, il y a une conception de l'écologie politique qui est celle des seuils et donc des seuils qu'il ne faut pas dépasser. Et ça, c'est une conception qui normalement va avec le capitalisme selon l'idée qu'il faut se prémunir contre les excès du capitalisme. Et puis, il y a une seconde conception de l'écologie politique qui est l'idée d'une nouvelle civilisation, d'une nouvelle civilisation, voire d'une société de la décroissance, selon l'idée que finalement, en consommant moins, ou en tout cas en consommant autrement, en étant plus austère, eh bien, on pourrait malgré tout vivre mieux. Mais forcément, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que cette seconde conception de l'écologie politique, d'une certaine manière, ça supposerait une révolution. Enfin, ça supposerait tout d'un coup, ou alors ça supposerait des gouvernants qui tout d'un coup se convertiraient à une autre philosophie que celle du capitalisme. Et donc, ça semble... dans l'immédiat, impossible. Et il nous reste donc cette écologie scientifique qui, en même temps, est nécessaire, mais forcément limitée, parce qu'elle repose sur des seuils qui, en plus, sont toujours et constamment dépassés, même quand ils sont respectés. et n'en parlons pas lorsque précisément les gouvernants ne veulent plus les respecter. Alors vous avez l'un et l'autre opposé le court-termisme, encore un nouveau isme, au long-termisme. Hein, qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien et jour après jour et ce futur qui nous manque sans doute, que nous n'avons plus en ligne de mire dans la pratique de notre politique, c'est exactement, en d'autres termes, mais l'enjeu est le même, ce qui a opposé récemment Nicolas Hulot à Emmanuel Macron. Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Parce que la responsabilité, elle est collégiale, elle est collective, elle est sociétale. Mais sur un enjeu aussi important, je me surprends tous les jours à me résigner, tous les jours à m'accommoder des petits pas, alors que la situation universelle au moment où la planète devient une étuve, mérite qu'on se retrouve et qu'on change d'échelle, qu'on change de scope, qu'on change de paradigme. Si j'ai choisi Nicolas Hulot il y a 15 mois, c'est parce qu'il est, entre autres, un homme libre. Et donc je respecte sa liberté. Je pense qu'en 15 mois, ce gouvernement a fait plus qu'aucun autre dans la même période sur ce sujet. Plus qu'aucun autre. Ce que nous avons à bâtir, c'est une société du 21e siècle où chacun aura sa place, pourra vivre dignement et pourra vivre avec une alimentation saine et dans un environnement sain. C'est un combat qui ne se fait pas du jour au lendemain. Il implique de se confronter au réel. Il vaut mieux que les petites phrases. Et donc il implique un travail qui va se poursuivre et un engagement sur la base de ce que j'ai promis aux Français qui sera constant et absolu de ma part. Ce qui est fascinant dans cet échange qui n'en est pas un, puisque Nicolas Hulot s'adresse au micro de France Inter et ensuite Macron, lui, n'est pas au même micro, c'est qu'en fait, ils disent la même chose. C'est que Nicolas Hulot dit « mais non, je ne peux pas avancer par petits pas, je voudrais changer de paradigme ». Et Emmanuel Macron dit « mais on ne peut pas se regarder juste devant nous, il faut penser au contraire, au long terme, au futur, etc. ». Or, c'est bien parce qu'ils sont en désaccord que Nicolas Hulot a démissionné, Jean Jouzel. Oui, bien sûr. Oui, j'étais de ceux qui auraient souhaité que Nicolas Hulot continue, mais j'ai dit... je comprenais, je l'ai revu depuis, y compris la semaine dernière, dans des conditions très agréables, puisqu'il m'a remis la Légion d'honneur. Félicitations. Donc, mais voilà, il est... Bon, je comprends cette décision et... Mais les arguments avancés, les arguments sont clairs, pas. Mais bien sûr, si on regarde ce que l'on doit faire, il y a urgence, ce que l'on devrait faire au niveau français, déjà moins 40% en 2030. On va parler que de 2030. Nous n'en prenons pas le chemin. Nous n'allons pas respecter les objectifs de la loi. La loi, elle est très bien, justement. D'un côté, je dirais qu'Emmanuel Macron, la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, qui était une loi promulguée au temps de François Hollande et de Ségolène Royal, est parfaite. La loi est parfaite. Donc les gouvernants, on a le sentiment qu'ils font ce qu'ils doivent. Rappelez-nous ce que c'est que cette loi. La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, c'est une loi qui définit des objectifs de la France en termes d'émissions de gaz à effet de serre, de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, de part d'énergie renouvelable dans notre énergie. Donc c'était les 3x20 et de réduction et d'amélioration d'efficacité énergétique. On parle des 3x20 en 2020. Moins 20% d'émissions de gaz à effet de serre, 23% faites d'énergie renouvelable, qu'on n'atteindra pas en 2020. Pour 2040, c'est effectivement 40% d'émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau de 90, 32% d'énergie renouvelable et neutralité carbone en 2050. Et c'est ce qu'il faut faire. Donc ça vous convient? Bah, bien sûr que ça convient, mais on voit bien, ce ne sont pas des petits pas, comme dit Nicolas Hulot. Diminuer de 40% en France, au niveau mondial, il faudrait pratiquement diviser par un facteur 2 entre 2020 et 2030 nos émissions si on voulait rester à 1,5 degré, ce qui serait tout à fait bien justifié. Donc, même 1,5 degré d'augmentation de la température. Oui, même 1,5 degré par rapport à aujourd'hui à long terme. C'est l'objectif qui est visé pour essayer de, on part sur 2 degrés et on essaie de diminuer à 1,5 oui, degré. Même 2 degrés, c'est déjà dur. De 2 degrés, c'est déjà diminué de 20%, enfin de 40% effectivement de nos émissions à horizon 2050. Disons, la loi est parfaite, mais nous n'en respectons pas les objectifs et nous n'en prenons pas la route. J'espère que la France respectera ses objectifs, mais c'est pas une politique de petits pas qui permettra d'atteindre. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire, par exemple, qui n'a pas été fait? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je crois qu'il faudrait vraiment Bon, le développement des énergies renouvelables n'a pas été assez rapide. Alors, il y a ce débat sur le nucléaire, qui est effectivement aussi une source d'énergie non émettrice de gaz à effet de serre. Nous verrons ce qu'est l'annonce, mais c'est clair qu'il faut, mais il faudra surtout accélérer sur l'efficacité énergétique, qui est la première arme pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Et bien sûr, on a parlé ici de mobilité douce, de tout ce qu'il faudrait faire dans l'habitat, l'urbanisme. Alors, en fait, on peut parler de mobilité douce, mais les émissions liées au transport n'arrêtent pas d'augmenter. C'est bien ce qu'il faut voir. Et c'est là où l'État est responsable, c'est-à-dire de faire en sorte que les transports publics, oui, en tout cas, ne soient... Oui, l'État, l'aménagement du territoire. On va pas revenir sur les gilets jaunes, mais c'est vraiment aussi une question d'aménagement du territoire, c'est une question d'urbanisme. Donc tout cela doit être c'est effectivement de développement de l'économie circulaire, c'est effectivement dans la loi, mais de façon concrète, eh bien, on est déjà un peu en retard. Et moi, j'espère simplement que cette loi... Les objectifs de cette loi seront respectés, seront atteints, mais ce n'est pas une politique de petits pas. Il faut aller vite. Fabienne Brugère, est-ce que c'est compatible la politique du grand pas au sein de la démocratie ? Alors cette fois-ci, représentative, vous disiez, mais il faut presque une révolution, un changement de paradigme, disait Nicolas Hulot. Mais ça, c'est vrai que c'est complètement utopiste. C'est complet. Alors, d'un certain c'est côté... C'est indispensable. Je crois que l'humain fonctionne toujours avec des utopies, en fait. Et que la politique elle-même, elle fonctionne avec des utopies. Et c'est sans doute ce qui nous manque aujourd'hui. Et je pense, de ce point de vue-là, un livre que j'avais beaucoup aimé, qui est le livre de Dominique Bourg et Whiteside sur le projet d'une démocratie écologique, où justement l'idée serait de construire une troisième assemblée à côté, finalement, de la Chambre des députés et du Sénat, qui serait une assemblée du futur. Mmh. Une assemblée du futur qui poserait de grandes orientations. C'est peut-être ça qu'a en tête Nicolas Hulot, c'est ça qu'on pourrait avoir en tête, c'est-à-dire le fait, par rapport à l'écologie, de dessiner de grandes orientations qui puissent précisément faire rêver les individus. Et ce seraient des gens élus par les citoyens? Je crois que il faut pas que ce soit des gens élus. Oui, c'est ça. C'est là que précisément il faut peut-être revoir cette question des élus. Il faudrait dans cette assemblée à la fois des scientifiques, des citoyens ordinaires, quelques élus aussi peut-être. Enfin, en tout cas, une grande diversité pour imaginer précisément notre. Donc notre on en revient à ce problème d'imagination sans doute. Oui, l'imagination nous empêche de prendre conscience quand même. Que, bon, étant moi-même membre du Conseil économique, social et environnemental, je crois qu'un Conseil économique, social et environnemental rénové pourrait jouer ce rôle de chambre du futur. De chambre du futur ? Oui, je pense quand même. Donc il ne faut pas non plus repartir de zéro. Il y a vraiment, je pense qu'on peut avoir aussi, il y a d'ailleurs des propositions de... peut-être d'amélioration, de plus justement de démocratie. On a aussi appel les pétitions citoyennes sont de mieux en mieux accueillies. Donc il y a effectivement, je crois que cette chambre d'une façon existe, mais il faudrait lui faire faire jouer ce rôle de façon plus importante, même si son nom change. Mais on voit bien que cette chambre, elle est quand même un peu là, mais... On voit bien aussi que tous les avis consultatifs, moi-même j'ai été auteur de 5 avis ou co-auteur de 5 avis, n'ont pas beaucoup d'impact dans les décisions. Et là, qu'est-ce qu'il faut pour changer ça ? Pour faire en sorte que l'écart entre d'un côté les experts, les scientifiques, ceux qui donnent leur avis ou que l'on consulte sur les grandes causes, et de l'autre les victimes du dérèglement climatique qui va provoquer de plus en plus de crises humanitaires, etc., puissent se réduire en réalité ? Parce qu'on a l'impression qu'on parle de deux mondes différents. Mais il faudrait déjà que cette chambre ne soit pas consultative, justement. Ouais. Qu'elle ait peut-être un vrai pouvoir. En tout cas, c'est des choses dont il faudrait discuter. Parce que, précisément, il faudrait un fil qui permette d'aller par-delà ce que les élections changent à chaque fois. Parce qu'effectivement, l'élection de Trump, ça change beaucoup de choses radicalement. Il faudrait que les élections, aussi sur certains points, puissent se nourrir de ce qui se sait, d'un savoir, et donc il y ait des... Que l'écologie ne soit plus entre les mains des gouvernants, alors? Pas seulement, parce que l'écologie, c'est aussi l'affaire des citoyens et c'est aussi l'affaire de tout le monde et c'est aussi l'affaire de notre rapport, nous, humains, à ce qui n'est pas humain. Et je crois que nous avons beaucoup de mal à considérer la valeur de ce qui n'est pas humain. Jean-Joseph. Oui, ce qu'il faudrait effectivement, c'est que nous poursuivions notre effort collectivement. Disons que en termes, mais je ne crois pas qu'il y ait un tel fossé entre. Prenons l'exemple de l'accord de Paris. L'accord de Paris repose, disons, les conclusions de l'accord de Paris s'appuient complètement sur celles du cinquième rapport du GIEC. Donc il n'y a pas tellement de fossé entre le diagnostic des scientifiques et les textes, votés. Fossé, par, mais voilà, non, mais le fossé que je nommais était entre les scientifiques, ces textes, et les citoyens qui parfois sont complètement déconnectés de voilà, de, y a les, donc de du ces point de vue politique, je suis d'accord là-dessus. Donc la difficulté, c'est de, disons que de passer des textes à des choses concrètes où chacun d'entre nous sommes, disons, impliqués. On voit bien cette difficulté actuellement qui est très claire de faire passer ces messages, de faire passer ces messages d'urgence. Mais, disons, la décision politique, elle, au moins dans les textes, a pris, disons, prend en compte le moyen et long terme. L'accord de Paris, c'est le cas même. Donc, très clairement, relever son ambition, tout y est écrit. Et je redis, la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, d'une certaine façon, est parfaite. Elle est bien dimensionnée. Mais effectivement, c'est dans la déclinaison, dans les actions de tous les jours, à court terme, qui sont forcément à court terme quand même. Oui, mais bien, ça, c'est les petits pas de Macron. Vous dites, on ne veut pas de petits pas, mais vous dites, c'est des actions à court terme. Eh bien, il faut les faire, mais il faut les faire aussi avec une véritable ambition. Je crois que l'ambition, elle est avant tout politique. Donc, il faut que nous ayons les gouvernants, et je pense que Emmanuel Macron a aussi cette vision à moyen et long terme, qui pense effectivement, qui impose ce long terme, et c'est le débat que nous avons aujourd'hui. Bien sûr, il est tout aussi important de sauver la planète. Alors, entre parenthèses, je n'utilise jamais ce terme, mais disons de limiter le réchauffement climatique de façon à ce que, je dirais, nos petits-enfants puissent s'y adapter. Et c'est tout aussi important que les fins de mois. Mais voilà, il faut trouver un moyen, justement. C'est et c'est cela, le problème. La difficulté, c'est de trouver un moyen. Et là, c'est peut-être l'erreur d'Emmanuel Macron de ne pas avoir trouvé ce moyen. Mais il faut rendre compatible ce court terme, assurer les fins de mois avec le long terme. Un dernier mot, Fabienne Brugère. Oui, bien sûr, il faut rendre compatible, mais malgré tout, il faut aussi de l'enthousiasme, de l'envie, du désir et donc, je pense, des imaginations plus fortes. Bah, merci à l'un et à l'autre d'être venus attiser notre imagination. Jean Jouzel, on peut lire de vous pour éviter le chaos climatique et financier. Aux éditions Odile Jacob, notamment, Atmosphère, on mettra vos ouvrages sur le site des Chemins de la philosophie. Merci Fabienne beaucoup. Brugère, La fin de l'hospitalité, l'Europe, terre d'asile, aux éditions Flammarion, et L'éthique du Caire, aussi au PUF. On se quitte avec une chanson qui vient faire un peu un pied de nez à Donald Trump et à tous ceux dont nous avons parlé aujourd'hui. Et finalement, le problème écologique n'est-il pas d'abord un problème d'âge de raison que l'on n'aurait pas encore atteint ? C'est Francis Blanche. Ah, c'est pas mal. La ville écrase la forêt pour y installer son décor, sans songer au bruit que ferait le chant de tous les oiseaux morts. On cimente le paysage, on bétonne les horizons, nous voici arrivés à l'âge de raison. Le petit sentier de l'école est une autoroute à six voies qui mène à la piste d'envol où les Boeing hurlent de joie. Il y a du goudron sur la plage, du gasoil sur le gazon, nous voici arrivés à l'âge de raison. On a piétiné les ballades et les refrains de nos printemps. On en a fait des marmelades pour des vieillards de 17 ans qui font sauter les pucelages avec des trognons de chansons. Nous voici arrivés à l'âge de raison. Sur France Culture, Les Chemins de la philosophie, il est grand temps de retrouver le journal de la philo d'Anastasia Colosimo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Anastasia. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une magnifique bande dessinée qui retrace toute l'histoire de la philosophie, de l'Antiquité grecque à Paul Ricoeur, en passant par Averroès, Saint Thomas d'Aquin, Machiavel, Descartes, Kant, Hegel et j'en passe. Le texte est de Nicolas Tenaillon, le dessin d'Hélène Zeyer, et c'est aux éditions Ellipse. Pour nous en parler, nous avons joint Hélène Zeyer. Bonjour Hélène Zeyer. Bonjour. Alors dites-moi d'abord comment vous est venue cette idée. Alors, c'est l'idée revient à Nicolas Tenaillon, qui voyait depuis plusieurs années des BD sortir sur l'histoire de l'économie, comme Economics, et qui, dans son métier d'enseignant en prépa, voyait aussi ce besoin parmi les étudiants. Et alors, comment est-ce que vous êtes rencontrés ? Comment est-ce que vous avez décidé de faire ce projet ensemble ? Donc, je connaissais Nicolas et donc il m'a proposé si je voulais illustrer la bande dessinée, parce qu'il avait eu d'autres expériences et il s'était vraiment rendu compte que la communication avec l'illustrateur est extrêmement importante. Et nous sommes tous les deux autour de Lille. Et donc, ça facilitait la création et la constitution de la bande dessinée. Alors, on ne saurait qu'encourager, évidemment, les auditeurs de courir acheter votre BD, notamment parce que les dessins sont magnifiques et sont faits à l'aquarelle. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de l'aquarelle, précisément? Alors, en fait, en bande dessinée, j'ai toujours été fascinée par les dessins d'Hugo Pratt et par les aquarelles d'Hugo Pratt. Et après, extrêmement frustrée de quand j'ouvrais l'ouvrage, de quand j'ouvrais l'album, et que tout était très contouré et avec beaucoup moins de liberté. Et là, pour cette BD, on voulait vraiment garder un dessin assez libre et ouvert. Il y a très peu de cases. Les aquarelles sont au monochrome, les dessins sont au stylo micro. Chaque dessin est scanné. Parfois, c'est plusieurs dessins qui sont scannés pour former la même image et qui sont recomposés sur Photoshop. Et l'idée, c'était vraiment d'avoir donc un dessin libre, comme pour figurer un peu la pensée en construction aussi. Une pensée qui respire et qui soit aérée. On a cette impression, c'est vrai, de très grande liberté et en même temps une contrainte aussi, parce que c'est l'histoire de la philosophie. Comment est-ce que vous avez travaillé à deux avec Nicolas Tenaillon ? Donc on a beaucoup travaillé en concertation, on préparait les storyboards à deux pour se mettre d'accord et pour être sûr que le dessin n'allait pas trahir la pensée philosophique. Et donc pour certains points un peu plus particuliers, comme Épicure ou Spinoza, là vraiment, lui me proposait des possibilités, je faisais mes propositions et puis ensemble, comme ça, on trouvait les solutions les plus visuelles et les plus fidèles à la pensée philosophique. Et comment vous êtes documenté pour... Il y a beaucoup de portraits, il y a beaucoup aussi, on a envie de dire, quasiment d'ambiance à chaque fois, selon les périodes. Comment est-ce que vous êtes documenté? Donc il y a une grosse recherche documentaire, effectivement, que j'ai essayé de retrouver des documents d'époque ou de travailler à partir d'œuvres d'art, que ce soit des statues, des tableaux, des photos. Alors bien sûr, Internet est une mine d'or pour trouver tous ces documents. Et après, effectivement, pour tous les portraits, plus l'époque est ancienne, plus c'est difficile. Parce qu'il y a moins de documents, les statues, la statuaire antique, pour personnaliser les différents philosophes, elle est moins riche, à part peut-être pour Socrate, sinon c'est très prototypé, on va dire. Et je me suis également documentée sur les paysages, selon les aires géographiques qui étaient concernées, sur l'architecture et les costumes, pour créer au mieux une atmosphère qui allait entourer donc l'histoire des philosophes. Oui, on a vraiment l'impression d'un travail iconographique. Et alors, c'est un peu une question piège, mais quelle est la période que vous avez préférée dessiner ou quelle est la période qui vous a le plus passionnée? Pour dessiner, c'était peut-être le XXe siècle, parce que l'iconographie est bien entendu la plus riche. Après, les plus anciennes, peut-être que l'imagination a alors aussi davantage sa place. Et c'est aussi extrêmement riche au niveau du travail d'illustration. J'ai beaucoup aimé dessiner le XVIIe siècle. Et Spinoza particulièrement, ou Leibniz, ou les passages où il y a vraiment cette rencontre entre les découvertes scientifiques qui bousculaient finalement les mentalités de l'époque et les certitudes de l'époque. Merci beaucoup, Hélène Zeyer. Je rappelle que votre bande dessinée Philosophia est paru aux éditions Ellipse. Vous en avez fait les dessins à l'aquarelle. Nicolas Tenaillon en a écrit le texte et c'est merveilleux. Merci beaucoup Anastasia. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo. Un grand merci à Sharon Nouri qui a préparé cette émission avec Colomba Grossi, Isis Jourda, Marie Simon, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, c'est Clément Nouguier à la réalisation cette semaine et Jean-Frédéric à la prise de son, Jacques Gamblin à la lecture des textes. On se retrouve demain pour la suite de notre série sur l'écologie, philosophie de l'écologie. Demain, on se demandera si le catastrophisme a du bon en écologie en compagnie des philosophes Jean-Pierre Dupuis et Hicham Stéphane Affessa. D'ici là, pour réécouter cette émission, c'est très simple, rendez-vous sur le site de France Culture, page des chemins de la philosophie. Vous pouvez la réécouter en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux Twitter, Facebook, Instagram, où nous attendons vos remarques et commentaires. On se retrouve demain à 10h donc, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.